221, activation, oral and written. Aller, être. Listen and complete the following sentences with the form of the verb aller or être. 1. Comment allez-vous? 2. Trois. Quatre. Où vas-tu? Tu vas à la fac?